Île-de-France, on avait 7 équipes qui répondaient à l'ensemble des appels d'offres sur le cancer en région parisienne. Et 4-5 ans après, on était à 47 ou 5 ans, je ne me souviens plus. Donc vraiment, il y a eu un effort qui a été consenti par les équipes pour vraiment venir sur cette problématique qui est évidemment très très importante par le nombre. Hein, VIH, 6700 cas en incidence de séropositivité, hein, pas de sida, donc cette année, et puis 350 000 de l'autre, on n'a pas 50 fois plus de travaux sur le cancer que sur le VIH, on n'en a peut-être pas besoin, mais enfin disons qu'il y a encore du travail. Alors, je voudrais peut-être, dans cette idée de synthèse, présenter un concept dont j'ai peut-être déjà parlé, qui est la façon nord-américaine d'envisager tous les champs de travaux qui ont été évoqués aujourd'hui. Les Américains utilisent le terme « survivorship », c'est-à-dire en fait l'état survivant au cancer. Alors ce qui est intéressant, c'est que considèrent que la survivance dont parle le survivorship, c'est pas la survivance à la maladie cancéreuse, c'est la survivance au diagnostic. Donc pour eux, les survivants, ça inclut les malades. Ils parlent de survivance de aiguë, c'est-à-dire tout ce temps des traitements, et puis de survivance de long terme, qui est la survie de long terme, comme on dit. Alors c'est très intéressant, tous les travaux qui ont été présentés en fait parlent de ça d'une manière ou d'une autre, et je crois que cette perspective elle a un caractère qui est pour le coup homogénéisateur ou unificateur de cet ensemble de travaux, et que voilà, je pense, enfin, je vous ai, il y a une littérature sur le survivorship, il y a un rapport très célèbre qui date de 2005 aux États-Unis, c'est pas loin, hein, c'est pas loin, ça fait moins de 10 ans. Et voilà, c'est sur le plan heuristique pour les travaux sur le terrain du cancer que nous développons. C'est vraiment une notion qui est extrêmement intéressante. Et qui est très intéressante en particulier parce qu'elle permet de dépasser cette espèce de césure qui est organisée par le monde médical entre malades et anciens malades. Hein. On ne sait plus bien ce que c'est qu'un ancien malade maintenant, puisqu'on a des malades qui sont traités au long cours avec des hormonothérapies en particulier. Ou qui vont avoir des séquelles à distance de du cancer primitif à 10, 15 ou 20 ans. Et puis ça correspond très bien à l'expérience des patients. Je suis d'accord sur la critique que tu fais sur le caractère chronique de la maladie cancéreuse, mais l'état de malade, de personne qui a eu un cancer, ça a des effets qui sont chroniques. Hein. La rupture biographique de Michael Burry, nous on l'entend dans tous les entretiens, vous l'avez entendu certainement, il y a un avant et un après, et l'après n'est jamais comme l'avant, il n'y a pas de réparation, il y a une transformation des individus avec des méthodes d'ajustement qui sont plus ou moins efficaces et qui font des vies plus ou moins de qualité pour les individus. Voilà, ça c'est la première chose que je voudrais dire. Et puis la deuxième, c'est que je voudrais signaler en fait, et c'est vraiment, je crois, je sentais ça très très fort en entendant les présentations de travaux, autour de ce vaste ensemble d'études sur les survivants du diagnostic de cancer, donc incluant les malades et les anciens malades, quelques niches. Il y en a deux en particulier que je voudrais vous signaler. La première, c'est tout ce qui concerne les relations entre épidémiologie et recherche qualitative. J'ai très intéressé par ce que disait Hélène O'Haraud avec cette combinaison en fait, d'approches dans lequel il y a des psys, des anthropologues, donc sciences humaines, sciences sociales et épidémio. Il y a une demande très forte du côté des épidémiologistes en ce moment, dans le domaine du cancer, pour avoir des gens qui viennent les aider à comprendre un petit peu les processus dont ils constatent les résultats. Et donc l'épidémiologie est une sorte du constat, et en fait ils n'ont pas... Donc ils identifient très bien des éléments qui sont corrélés sur le plan statistique, mais ils ne connaissent pas du tout les processus qu'il y a dessous. Voilà, alors nous avons, avec nos démarches compréhensives, qualitatives, la possibilité d'éclairer de manière très précise les processus qui sont à l'œuvre et qui vont former ces résultats que les épidémiologistes constatent dans leurs études. Alors, ça vaut pour l'épidémiologie sociale, mais aussi très souvent pour l'épidémiologie clinique. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a les problèmes de comportement de santé, les problèmes de compliance, donc de respect des traitements, qui rentrent en fait dans ce champ-là. Alors, la deuxième piste, et là aussi, je crois que ce que nous montrait notre collègue de Bordeaux est un bon exemple, eh bien, c'est tout ce qui a rapport à l'expérimentation et l'évaluation de dispositifs. Je crois que ce que nous faisons, Alors j'ai longtemps cru, moi, à ces effets de vérité dont parlait Bourdieu, les effets de vérité de la science qui allaient transformer le monde, mais en fait ça ne marche pas comme ça. Moi ça fait 10-15 ans que je travaille en sciences sociales sur la maladie, et finalement ce qu'on transforme c'est assez peu de choses. Ou alors il faut être beaucoup à faire la même chose et à répéter le même message. Donc à un moment donné, il faut aller tenter d'opérationnaliser nos résultats de recherche dans des propositions de dispositifs. Je crois que c'est l'une des possibilités pour opérationnaliser nos résultats de recherche. L'autre possibilité, c'est un petit peu ce que tu fais, c'est la prise de position dans le débat public, politique, et éventuellement, moi je pense, sur le terrain juridique et judiciaire pour un certain nombre de choses. La prise en charge sexologique, par exemple, telle que c'est fait actuellement, c'est la négation d'un droit des patients, qui est un droit inscrit dans la loi. Là, on n'est pas dans des droits, constitutionnels, à valeur d'objectif, un jour, si on y pense. Voilà ce que je voulais vous dire. En vous remerciant vraiment pour ces présentations passionnantes, j'ai pris énormément de plaisir à suivre cette journée. Donc, bravo aux organisateurs, à Vincent, à Myriam et à un troisième. Anne Vega, bien sûr. Et merci à Philippe de nous réunir. Le Philippe. Oui, on est trois Philippe. Au Philips. Voilà, merci à vous. Françoise, peut-être. Moi, je vous remercie aussi. Et je dis de la même façon que j'ai été tout à fait passionnée par ces journées. Tout à fait passionnée, j'ai découvert des tas de choses parce que, je me situe alors à la fois comme ancêtre de la recherche d'anthropologie du corps, disons. Et puis aussi, moi, je n'ai pas travaillé sur le cancer, j'ai travaillé sur le sida. Et puis, directement, je suis passée d'un intervalle pour aller vite la médecine populaire, c'est-à-dire les pratiques de soins des mères à l'égard de leurs enfants, au sida, parce que ce qui m'intéressait là-dedans, c'était la parole des malades et la création, notamment à propos du sida, de rituels par les malades autour de la mort. Donc, m'intéressant au sida, je me suis dit, mais pourquoi pas venir, je me suis dit, pourquoi pas répondre avec enthousiasme à l'invitation de Anne et venir aujourd'hui. Et alors, ce que j'ai découvert, c'est, ça m'avait pensé au début des recherches sur le sida d'ailleurs, c'est le nombre de recherches faites des personnes jeunes, complètement compétentes, et vraiment la compétence de vos interventions et tout ça, elle m'a beaucoup frappée. Et surtout, se posant, alors ça a été plus difficile avec le sida, je crois, se posant comme chercheur, comme acteur et acteur à part entière. Et acteur à part entière dans le système de soins. Pour la plupart, c'est ce que vous avez dit ou exprimé. Et ça me paraît important, cette reconnaissance. Alors, je sais bien que c'est pas si simple que ce que je veux dire, mais quand même. Je me souviens d'étudiants que je suivais en thèse et qui avaient beaucoup de mal à dire, ou qui me disaient, mais il ne faut pas trop le dire, je suis militant dans une association où je travaille à telle chose, à telle chose. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé, et ça me paraît absolument fondamental. Et je crois que si on continue à travailler, à faire des colloques ou autre chose, je crois que réfléchir plus amplement sur cette situation du chercheur comme acteur ou fondant la prise en charge, ça sera quelque chose de très important. Et très important, pas uniquement à propos des recherches sur le cancer, mais en généralement par rapport à l'anthropologie. Je crois aussi ce qu'on a dit, qui a été dit, c'est tout ce qui concerne le rapport à la mort et le rapport aussi des chercheurs à la mort dans leur objet de recherche. Et ça me paraît aussi essentiel, et ça devrait figurer dans un prochain colloque, qui, j'espère se fera. Ce qui me paraît important aussi, peut-être, d'approfondir, alors je ne vais pas redire, enfin si je redis comme j'avais dit ce matin, il aurait manqué une après-midi sur la question des inégalités sociales, qui était transparente dans la plupart des interventions, mais je crois qu'il faudrait le prendre. Je crois que il faudrait peut-être plus, ça ressort du colloque, il faudrait peut-être le prendre directement sur ce que signifie la parole des malades et le discours la différence entre le discours qui est fait sur la parole des malades et la parole des malades, comment elle est prise en compte, avec tout ce qui a été dit sur le risque de jugement, sur la honte de parler de certaines choses. C'était transparent dans la plupart des interventions. Je crois qu'il faudrait faire quelque chose de spécial là-dessus. Alors, il y a quelque chose qui m'a étonnée, toujours en référence avec le sida, c'est presque personne n'a parlé, je ne sais même pas si quelqu'un a parlé, des associations et du rôle des associations. Et du rôle des associations pour exprimer la parole des malades. Enfin, on parlait par exemple tout à l'heure des effets secondaires sur la libido. Et bien ça, c'est dit par les associations par rapport au sida. Il y a vraiment des revues ou des brochures ou des dépliants qui sont faits par les associations sur tel type de traitement. Et c'est fait par des malades qui se sont formés eux-mêmes pour être capables de faire quelque chose. Et quand on voit la différence entre ce qui est dit par les médecins ou ce qui est dit dans les brochures sur les traitements et sur ce qu'ont fait les associations, c'est important de voir ça. Donc je crois qu'il y aurait quelque chose à faire là-dessus, sur comment la parole des malades peut être relayée par les associations. Alors je ne sais plus qui devait parler de ce qui se passe en Angleterre par rapport. C'est vous. Je ne peux parler finalement. Et vous n'arrivez pas à parler parce que vous n'avez pas du temps. Ben, j'ai dû faire des choix en fait. Et comme les associations d'ailleurs sont assez parties, j'en ai parlé très rapidement. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus, en comparant peut-être avec les recherches qui ont été faites sur le sida d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. D'une certaine façon, si j'entends bien, Hélène Lecomte avait commencé ce matin à nous parler de Michel Foucault avec cette conférence de Tunis, des espaces autres sur les hétérotopies. Et là, Françoise Loux ramène presque un autre texte de Michel Foucault sur l'intellectuel spécifique, l'intervention du docteur Rose, la façon dont les acteurs deviennent en même temps des sachants. Et des... Peut-être que Philippe Bataille pourrait nous dire quelques mots de son appréciation de l'ensemble de la journée, pas uniquement de l'après-midi même. Dans le même esprit, vraiment, je vais pour dire la même chose finalement. Deux mots pour moi, effectivement, qui se sont imprégnés, enfin, qui sont très très forts et qui ont été utilisés ce matin par Gilles, par toi et aussi par Françoise. C'est le corps d'un côté et la mort. Deux thèmes forts que je n'aurais pas imaginé tel quel, parce que évidemment, étant dans ces domaines de recherche, ils sont là depuis toujours, mais de là les problématiser ou de là les saisir lorsqu'ils passent dans nos problématiques, c'est autre chose, et c'est déjà un résultat énorme que de pouvoir parler de ces thèmes-là. Deux petites contributions dans ce qui a été dit ou dans le résumé, c'est que le thème du corps, il est aussi ramené dans le rapport personnel à son corps, et pas le corps anatomique qu'on a promené dans toutes les classes de biologie depuis toujours. Donc le corps en planche, si vous voulez, donc c'est le corps, son corps, voilà. Et mieux que ça, le rapport que les autres ont à son corps, évidemment dans les thèmes de la sexualité, etc., tout ça c'est imposé, et je trouve ça très, très, vraiment une évolution, enfin vraiment un nouveau départ problématique pour nous tous, et probablement un nouveau départ méthodologique dans l'ambition des disciplines qui se rencontrent et qui touchent à ce bord à bord, ce pot à pot du médical et du social, dont on sait que toutes les thèses sont vraies, médicalisation du social, de socialisation du... Ouais. Mais de le faire avec des terrains, pour prendre le mot-clé de l'invitation, à partir de thématiques dont on voit qu'elles marquent des évolutions au sens véritablement scientifique, méthodologique, et j'ai pu le faire à deux, trois reprises, poser des questions techniques qui aussitôt donnent des rebonds, des interrogations, des reprises sur le plan méthodologique, théorique, conceptuel, etc. Et le deuxième thème, c'est la mort, effectivement. En sachant que cette thématique, et Gilles l'a dit ce matin, de manière un peu crue, mais sensée, il y a 50% des gens qui meurent, 50% des gens qui vont s'en sortir. On sait aussi que les soins, peut-être on réapparaîtra plus tard et on rentrera dans l'autre cohorte. C'est pas si clair ce chiffre 50-50. Et que la thématique de la mort aujourd'hui, et en particulier la fin de vie des cancers, que l'on a essayé de faire évoluer dans des engagements publics, on l'a fait avec la Ligue nationale contre le cancer, en permettant, je pense que ce sera au moins ce qui sera fait, l'idée de sédation profonde, de sédation finale pour notamment les malades du cancer, dont on sait qu'il peut y avoir une anticipation de la mort, et même, vous avez parlé du cancer de l'ovaire, moi j'ai suivi quelques cancers de l'ovaire, de l'utérus, voilà, je veux dire, la conscience, et justement la question du rapport personnel à son corps, rejaillit aussi sur la thématique de la mort. Et dans les engagements publics, je le dis, puisque la chose sera commentée, effectivement, c'est une autre manière de faire de la sociologie. Je le fais moi sur la question des fins de vie, mais je ne déborde pas le colloque, ayant dit à mes étudiants il y a plus de 2 ans que nous allions être dans la controverse. Et quand il se trouve que dans mon école, on étudie beaucoup en sociologie morale et politique la controverse, j'ai trouvé moi intéressant, mais c'est quasiment une autre... Enfin, ça prend une thématique de terrain et de rapport au terrain. Voilà. Et dans l'engagement, je serai témoin dans un procès d'assises de Nicolas Bonnemaison, dans quelques semaines, accusé de 7 meurtres en tant que sociologue. Et évidemment, ça me donnera l'occasion de discuter de qu'est-ce que c'est que dans l'engagement public du sociologue sur la thématique de la mort. Merci Philippe, merci à tous. Si la petite accroche d'Hélène Lecomte autour de Michel Foucault vous intéresse, nous avons le séminaire Michel Foucault une fois par mois qu'on a mis en place, qui se tient un samedi matin par mois. En l'occurrence, c'est demain à 10h du matin à Nanterre. Christian Laval, grand spécialiste de Karl Marx notamment, mais va nous parler de Michel Foucault, surveillance et discipline, à 10h du matin en salle D201 pour ceux que ça intéresse. Christian Laval est quand même une grande pointure de la sociologie contemporaine et je crois que ça vaudra le coup, en tout cas j'y serai. Bravo, vous avez